ça un soir, où elle glandait comme d'habitude. Elle mate des vidéos bizarres, puis tout ce qu'elle plus gore sur YouTube. Mais cette fois, après le repas, plus que jamais elle s'est sentie seule. Alors avec ses petits doigts, elle tape « cherche ami » sur Google. Le monsieur, il est très gentil, même qu'il lui demande souvent. Si elle va bien, elle répond oui, et vous, ça va bien gentiment. Leur discussion dure tard la nuit, elle lui dit c'est tous ses problèmes. Et peu à peu, elle se confie. Il se rapproche sur MSN, puis comme sa vie, elle est toute naze, puis qu'il y a personne qui la comprend, elle saute rapidement sur l'occasion quand il l'invite au restaurant. Ces nouvelles sur Facebook.